De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Alors, nous allons poursuivre l'émission avec la revue de presse. Alors, Valérie, après la thérapie génique, voilà la thérapie à base d'ARN. Oui, puis ça requiert probablement un peu d'explication. Donc, la thérapie génique a fait son entrée en médecine il y a quand même plusieurs années, une vingtaine d'années, je crois. C'est une méthode qui permettait de soigner les malades strictement génétiques. Donc, ces maladies qui se déclenchent parce qu'un gène, un seul gène est défectueux. Donc, c'est pas la plupart des maladies, hein, c'est pas le cas du cancer, c'est pas le cas de la grippe, ni de l'asthme. Donc, la plupart des maladies, habituellement, c'est un ensemble de gènes qui est mis en cause. Donc, c'est des gènes de prédisposition, des gènes impliqués dans une maladie, mais c'est pas toujours un seul gène. Donc, il y a quand même des maladies comme la fibrose kystique ou l'acidose lactique où là, c'est un seul gène qui est mis en cause. Et puisqu'un seul gène est mis en cause, il n'y a qu'une seule panne à réparer, si je peux dire. Ouais, un seul bobo. C'est ça. Donc, l'idée de la thérapie génique est de réparer les cellules en leur apportant le gène normal. Donc, on compense le gène défectueux en apportant à côté le gène normal. Et donc, ce gène normal va prendre le relais du gène défectueux. Et il y a eu des essais à partir des années 90. Et en général, qui se sont soldés par des échecs. Bon, en fait, au début, ça semblait être prometteur, et puis ensuite, au cours des années, on s'apercevait qu'il y avait des problèmes secondaires et assez graves, des leucémies, en tout cas, il y avait des effets secondaires très graves qui se développaient. Donc, ça a mis un petit peu de froid sur cette solution-là, sur cette thérapie-là. Et le problème, c'est que pour faire entrer un gène dans une cellule, il lui faut un moyen de transport. On rentre pas comme ça dans la cellule si facilement que ça. Et le moyen de transport le plus utilisé, c'est de prendre un virus. Donc, on le désarme, ce virus. On lui enlève une partie de ce qu'il rend offensif pour le rendre inoffensif. Et puis, on lui met dans sa valise le gène voulu. Mais ces virus, en fait, même désactivés, n'étaient pas si inoffensifs que ça. Donc, c'est pour ça que ça entraînait des problèmes secondaires assez graves. Et c'est pour ça aussi qu'il faut trouver d'autres moyens de faire entrer le gène dans la cellule. Oui, alors ça, donc, c'est une solution. C'est de choisir un autre vecteur, un autre taxi pour envoyer le gène dans la cellule. Donc, il y a des gens qui travaillent sur ça. Mais il y a aussi une autre solution, et c'est celle qui ont choisi les chercheurs allemands de l'université Ludwig Maximilian de Munich. Donc eux, ils viennent de publier leur étude dans la revue Nature Biotechnology. Il faut se rappeler, pour comprendre leur méthode à eux, il faut se rappeler que un gène, en fait, c'est un plan de construction pour fabriquer une protéine. Donc, si le plan de construction est erroné, pas de chance, la protéine, elle est déficiente et ce sera la maladie. Mais entre le gène et la protéine, il y a un intermédiaire parce que les gènes, ils sont dans le noyau de la cellule et les protéines, elles sont fabriquées à l'extérieur du noyau. Mmh. Donc, faut faire le lien. Donc, il y a un messager qui prend le plan de construction du gène, qui sort du noyau. Qui va le faire exécuter à l'extérieur. Exactement. Qui va dans des petites usines où sont fabriquées les protéines dans la cellule. Donc, ce messager, c'est l'ARN. Donc, voilà, c'est sur cet ARN que les chercheurs ont porté leur attention. Donc, au lieu de faire entrer des gènes dans les cellules, ils ont cherché à faire entrer l'ARN dans la cellule. Donc, on peut se demander, mais pourquoi pas y avoir pensé plus tôt? Ça fait longtemps qu'on connaît le mécanisme gène, ARN, protéine. Donc, pourquoi pas avoir pensé plus tôt à cette solution-là? Ouais, les solutions les plus évidentes, on n'y pense pas. En fait, ils y avaient certainement pensé. Le problème, c'est que l'ARN, c'est une molécule qui est extrêmement fragile. OK. L'ADN, c'est une molécule qui est double brin. Oui. Et donc, finalement, ils se tiennent la main. Là, les deux brins se tiennent la main ensemble et c'est relativement stable. Alors que l'ARN n'est pas double brin. Non, c'est ça. C'est simple brin, c'est un seul montant de l'échelle et c'est beaucoup plus fragile. Donc, il fallait le modifier et le stabiliser et aussi le neutraliser pour qu'il ne soit pas reconnu par le système immunitaire de la cellule, ce qui aurait déclenché une réaction inflammatoire. Et est-ce que les chercheurs ont fait des essais sur des malades? Pas encore, du moins pas sur des humains. Donc, ils ont fait des essais sur des malades, mais sur des souris malades. Okay. On passe toujours par les souris avant de faire des essais sur les humains. Donc, d'ailleurs, c'est fou tout ce qu'on peut faire subir aux souris. Souris, hein. Les souris qui ont toutes sortes de maladies. Leur créer un syndicat. Donc, ils ont utilisé des souris qui ont une maladie pulmonaire. Ces souris, il leur manque une certaine protéine qui s'appelle la protéine B. Et sans cette protéine B, c'est la mort. Donc, les chercheurs ont donné à inhaler un aérosol qui contenait l'ARN qui possède le plan de construction de la protéine B. Et les souris ont survécu, en tout cas tant que l'expérience a duré. Donc elles ont eu une amélioration de leur espérance de vie. Alors bien sûr, c'est encore exploratoire, il y a encore bien beaucoup de travail à faire avant que ça devienne une thérapie efficace et contrôlée. Mais c'est quand même une nouvelle piste. Donc après la thérapie génique, c'est la thérapie à base d'ARN. Et aussi avant que ça devienne applicable chez l'homme. Oui, absolument. Ouais. Oui. Donc maintenant, on passe à une nouvelle que tu as trouvée, François. En fait, c'est marrant parce qu'on va rester un petit peu dans le même domaine. Donc, le transfert génétique de l'homme vers une bactérie. Donc, c'est la découverte pour la première fois d'un transfert génétique entre un humain vers une bactérie pathogène, et ça offrerait une vue nouvelle de l'évolution de certains agents infectieux. Oui, des biologistes de l'université Northwestern à Chicago ont découvert la trace de fragments d'ADN humain dans le génome de Neisseria gonorrhoea, la bactérie responsable de la gonorrhée, en tout cas, mm-hmm. qui est une infection sexuellement transmissible qui affecte environ 50 millions de personnes dans le monde chaque année. D'autres recherches ont montré que le transfert de gènes semble être un événement récent dans l'évolution de la bactérie. Donc là, c'est de l'ADN humain qui est passé dans cette bactérie. Exactement. C'est étonnant, hein? Ouais. Alors, on sait que le transfert de gènes se produit entre différentes bactéries et même entre bactéries et levures. Mais un des auteurs de l'étude, Mark Anderson, a déclaré que passer de l'ADN humain à une bactérie est un saut très important. Cette bactérie a dû surmonter plusieurs obstacles afin d'acquérir cette séquence d'ADN. Mm-hmm. Alors, l'étude suggère que la capacité du gonocoque à acquérir de l'ADN de son hôte humain peut lui permettre de développer de nouvelles souches. Alors, est-ce que cet événement a fourni un avantage particulier à la bactérie, en fait? Hank Seifert, professeur de microbiologie et d'immunologie dans le journal en ligne MBio et qui étudie la maladie depuis 28 ans, répond qu'ils ne le savent pas encore. Il explique que la bactérie devient une séquence génétique de son hôte et que ça a une signification évolutive. Sauf qu'il reste à trouver laquelle. Ouais. Alors, sur un autre plan, la gonorrhée est une maladie particulièrement grave pour les femmes. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner une maladie inflammatoire pelvienne, c'est-à-dire une affection douloureuse qui peut provoquer la stérilité et un risque de grossesse extra-utérine. Uh-huh. La plupart de ces travaux de recherche portent sur la façon dont la bactérie se soustrait au système immunitaire de l'homme en modifiant son apparence et en modulant l'action des globules blancs. Mais en fait, comment ils ont découvert ce transfert de gènes? Le transfert de gènes a été découvert lorsque les séquences génomiques de la gonorrhée ont été déterminées au Broad Institute à Cambridge, au Massachusetts. 3 des 14 isolats avaient un pan d'ADN où la séquence de base, en fait, était identique à un élément mm-hmm. de code trouvé chez l'homme. Alors, le séquençage du fragment a confirmé qu'il était effectivement identique à l'humain. Alors, les chercheurs ont également analysé la bactérie Neisseria meningitidis, qui est en fait très étroitement lié du point de vue génétique au gonocoque, mais ils n'ont pas trouvé de traces de code génétique humain, ce qui suggère que le mm-hmm. transfert des gènes est un phénomène récent au niveau évolutif. Mm-hmm. Maintenant, on a une autre. Tu as le temps de nous faire une autre nouvelle. Tu peux nous parler d'un tableau. On change complètement de sujet, là. On passe complètement du coq à l'âne. On va parler tableaux de Van Gogh. Oui, alors selon une étude publiée lundi dans la revue Analytical Chemistry par une équipe de chercheurs italiens et belges qui sont basés respectivement dans les départements de chimie de l'Université des études de Pérouse en Italie et à l'Université Anvers en Belgique, Les rayons ultraviolets présents dans la lumière seraient en grande partie responsables de la dégradation de l'éclat des jaunes dans certaines œuvres de Van Gogh et d'autres peintures de la fin du 19e siècle. Alors, l'utilisation des couleurs vives par Van Gogh était possible à l'époque grâce à la fabrication de nouveaux pigments industriels qu'on appelait, par exemple, tels que le jaune de chrome. Or, son assombrissement, qui est qui est variable selon les tableaux, est lié au changement du niveau d'oxydation du chrome contenu dans le pigment. Alors, à l'origine, le pigment existait sous forme de chromate de plomb. C'est l'état le plus oxydé du chrome, plus 6 pour les intéressés. C'est seulement pour les intéressés, ça. Exactement. Alors, le pigment était donc d'un jaune éclatant. Mais au fil du temps, ce pigment a été réduit, ou si vous voulez, il est devenu moins oxydé pour prendre alors la couleur verdâtre brunâtre. Mais du point de vue chimique, ça veut dire quoi, en fait? Alors, le chromate de plomb, dans lequel l'atome de chrome a un degré d'oxydation de plus 6, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est transformé en oxyde chromique ou encore en sulfate chromique, dans lequel l'atome de chrome a un degré d'oxydation plus 3. Donc, le degré d'oxydation du chrome est passé de plus 6 à plus 3. Alors, ce serait surtout les rayons ultraviolets dans la lumière du jour qui provoqueraient cette modification chimique. Et comment on peut arriver à une telle conclusion? Alors, pour déterminer, en fait, cette réaction chimique, les chercheurs ont utilisé un faisceau de rayons X 100 fois plus fin qu'un cheveu humain. Il a été ainsi possible d'analyser séparément la couche de peinture altérée à la couche située en dessous, qui est encore saine. Ah oui. Alors, de plus, à partir des restes de tubes de peinture jaune qui datent de l'époque de Van Gogh, les chercheurs ont reconstitué des échantillons de peinture. Une partie de ces échantillons a vieilli artificiellement à l'aide d'une lampe ultraviolet et l'autre a été protégée des rayons ultraviolets par du papier d'aluminium. Alors, les chercheurs ont trouvé que, sous le papier d'aluminium, le pigment n'avait pas changé de couleur, mais que toute la partie exposée à la lumière était devenue marron. Les recherches se poursuivent pour déterminer si le sulfate de barium ou des composés de silicate d'aluminium auraient pu accélérer l'altération de la peinture, car ces composés étaient présents en fait dans la peinture blanche utilisée en fait, par Van Gogh pour rendre le jaune encore plus lumineux. Alors tout ça nous fait comprendre pourquoi il est interdit de photographier les œuvres d'art. Oui, c'est ça, parce que là, d'un coup, ça fait beaucoup de charges de rayons. Il y a quand même des ultraviolets qui sont émis, ce qui fait qu'effectivement, ça peut à l'accumulation, changer la coloration des pigments. C'est fort intéressant, ça. Un peu technique pour la partie chimique. Est-ce qu'on a le temps de faire ta dernière nouvelle? Oui, surtout qu'elle est toute courte puis elle est assez rigolote. Oui, effectivement. Alors, des Espagnols font du plastique avec de la tomate. Ben oui. Alors, et pas n'importe quelle partie de la tomate, avec la peau. Et est-ce qu'on ajoute un peu de basilic et d'huile d'olive avec ça? Ah ben, peut-être que ça fera des plastiques qui auront bonne odeur. Donc, ce sont des scientifiques de l'Institut des sciences des matériaux de Séville qui sont intéressés à la peau de tomate. Donc, en fait, c'est tout à fait sérieux. C'est vrai que la peau de tomate, en fait, offre une certaine résistance. Elle est imperméable et puis elle est biodégradable. Donc, ça fait plusieurs caractéristiques intéressantes pour faire un plastique. Oui. En fait, la peau de tomate, c'est un polymère. Donc, c'est une chaîne de monomères et tous ces monomères assemblés ensemble forment le polymère. Les chercheurs, ils sont intéressés dans un premier lieu au monomère lui-même. Donc, ils ont déterminé les conditions physiques et chimiques pour former la pellicule plastique. Dans l'article, qui en fait était un résumé, il n'y avait pas les détails pour savoir vraiment ce qu'ils ont fait. C'est breveté. Ça, c'était bien écrit, par contre. Donc, évidemment, ils ne sont pas allés révéler leur secret. Donc, le plastique peut avoir quand même différentes épaisseurs et des tests sont en cours pour mesurer sa résistance mécanique, son élasticité également. Donc, l'avantage, c'est que la matière première, c'est-à-dire la peau de tomate, c'est un déchet alimentaire. Ouais. Bon, on en a priori. C'est pas très cher non plus à produire. Et puis, le plastique, bien sûr, a une couleur orangée, mais les chercheurs pensent pouvoir répéter l'opération avec d'autres types de fruits. Donc, peut-être qu'il y aura aussi des plastiques faits avec des peaux de banane qui auront une couleur jaune ou qui sait verte si c'est de la peau de kiwi. Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de détails dans cette nouvelle, mais j'ai trouvé ça assez insolite de faire du plastique avec de la peau de tomate. Oui, tout à fait. Alors, c'est tout pour la revue de presse. Alors, nous allons faire une courte pause musicale et nous vous revenons après avec Christiane Dupont qui va nous parler de l'écologie microbienne du fromage.